Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous retrouvons Frédéric Bouchard pour la chronique sur les scientifiques méconnus d'hier à aujourd'hui. Il s'agit de savants qui ont laissé leur marque dans leur domaine respectif, mais qui sont malheureusement restés dans l'anonymat, du moins pour le grand public. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Frédéric, le vrai Frédéric Bouchard. Oh oui, méfiez-vous des imitations. Alors aujourd'hui, Frédéric, tu vas nous faire découvrir Claire Patterson. Alors je précise qu'il s'agit d'un homme. Alors pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler jusqu'à maintenant? Pourquoi? Je vais commencer avec une devinette. Oui. Pensez-vous qu'il existe un lien entre la découverte de l'âge de la Terre dans les années 50 et le retrait du plomb dans l'essence dans les années 70-80? Alors, si tu poses la question, j'imagine que c'est lui la réponse. Ben oui. Sauf que le lien, il n'est pas évident. Ouais, le lien n'est pas évident. Et pourtant, c'est le géochimiste américain Claire Patterson qui est à l'origine de l'un comme de l'autre. OK. Mais justement, est-ce que tu peux nous dire qui était ce Claire Patterson? Tout à fait. Alors, Claire Cameron Patterson, qui est née en 1922 en Iowa, dans le Midwest américain. Et c'est là qu'il va obtenir son baccalauréat en chimie en 1943. Donc, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Okay? Donc, c'est le contexte dans lequel il étudie. Il va aussi rencontrer celle qui va devenir son épouse, Laurie, dans l'Iowa, étudiante, elle aussi, en chimie. Okay? Et d'ailleurs, tous les deux, et ça, c'est pas inintéressant, tous les deux, le couple va travailler vont être appelés à cette époque-là à travailler dans le cadre du projet Manhattan durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le projet Manhattan, c'était ce projet secret de l'armée américaine dont le but, finalement, était de développer la bombe atomique avant les Allemands. Okay. Bon. Alors, après, la guerre se termine et le couple Patterson s'installe à Chicago, à l'Université de Chicago, en fait, où Claire va entreprendre un doctorat en sciences de la Terre. Et l'objectif de son doctorat a l'air tout simple sur papier, c'est trouver une façon de déterminer avec les plus récents outils d'analyse l'âge de certaines météorites, aussi vieilles, finalement, que la Terre. Donc, en trouvant l'âge des météorites, on pourrait déterminer l'âge de la Terre. Mm-hmm. Et ce qui semble, donc, ça semble tout à fait, à première vue, très simple, ça va pourtant lui demander des années de travail pour finalement arriver au verdict en 1953. Les plus vieilles météorites du système solaire ont été formées il y a 4,55 milliards d'années, tout comme la Terre d'ailleurs. Et c'est un verdict, cet âge-là de 4,55 milliards d'années, ça tient toujours aujourd'hui en géologie. Ce qui est impressionnant quand même. Oui, même 60-quelques années après. Mais c'est pas tout. Durant ses travaux sur la datation des roches, il va s'apercevoir, Patterson, que les concentrations de plomb dans l'atmosphère, dans l'eau, dans les tissus humains, finalement, sont assez élevées à cette époque pour mettre en danger la santé des gens. Okay. Alors, il va être le premier à sonner l'alarme sur ce problème-là. Et malgré l'hostilité, on pourrait dire l'incrédulité générale dans un premier temps, il va contribuer à convaincre finalement le gouvernement américain de légiférer sur l'utilisation du plomb dans l'essence, entre autres, la fameuse essence sans plomb, et dans les produits d'emballage courant comme les boîtes de conserve. Alors, il va mourir en 1995 après une longue carrière de 40 ans au renommé Caltech, le California Institute of Technology. Mais pourtant, Patterson n'était certainement pas le premier à s'intéresser à l'âge de la Terre. Non, pas du tout. Le débat sur l'âge de la Terre, c'est quelque chose qui est très ancien, c'est pas nouveau. Bien avant Patterson, il y avait des scientifiques, en fait, qu'on appelait les savants à l'époque, qui avaient tenté de déterminer depuis combien de temps existait notre planète. Mais jusqu'à la naissance de la géologie comme science, on pourrait dire à peu près dans les environs du 18e siècle, on ne dérogeait pas vraiment de ce qu'affirmait la Bible, c'est-à-dire la Terre est née il y a environ 6000 ans. Bref, 4000 avant Jésus-Christ, c'est pour dire. Même quelqu'un comme Isaac Newton, donc célébrissime savant du 17e, 18e siècle. Physicien, oui. Ouais, éminemment très connu, reconnu pour ses découvertes sur la gravitation. Même lui ne remettra pas en question de ce dogme-là. Et il écrit, j'ouvre les guillemets, « La gravité explique les mouvements des planètes, mais elle ne peut expliquer ce qui les met en mouvement. Dieu gouverne toutes choses. » Fermez les guillemets. Alors même Newton ne remet pas ça en question. Ça va prendre les géologues, finalement. Les géologues, comme À leur tête, les Britanniques Charles Lyell ou même Darwin, on l'oublie souvent, mais il était aussi géologue de formation, ce Darwin. Donc, des géologues qui vont se rendre compte en observant attentivement l'empilement des strates rocheuses que les particules qui composent les strates, les roches, n'ont pas pu se déposer et se cimenter en quelques milliers d'années seulement. Il a bien fallu, selon eux, des millions d'années, sinon plus, des dizaines, des centaines de millions d'années pour en arriver là. Et au 19e siècle, entre en scène un certain William Thomson, mieux connu sous son titre honorifique de Lord Kelvin, ou Kelvin, qui a d'ailleurs donné son nom à l'échelle de température absolue en degrés Kelvin ou Kelvin. Alors lui, il est physicien de formation, donc ce qui l'intéresse, c'est les équations. Et Thomson part de l'idée de base assez simple que la Terre, au fond, lors de sa formation, était constituée de roches en fusion, donc très chaudes, de plusieurs milliers de degrés. Et depuis, la Terre se refroidit donc tranquillement, progressivement. Donc, Thomson se dit, s'il y avait moyen de déterminer la vitesse de refroidissement de la Terre avec des équations longues comme ça, il serait possible donc de remonter dans le temps et trouver le temps écoulé depuis la formation de la Terre. Alors, Thomson va arriver à un âge variant entre 20 et 400 millions d'années. Encore là, trop jeune par rapport à ce qu'on en sait aujourd'hui. Mais Frédéric, qu'est-ce qui a permis de passer des millions aux milliards d'années? Ah ben là, c'est là que ça devient intéressant parce que avant facteur 1000, oui, donc une augmentation énorme. Jusqu'au début du 20e siècle, ce qu'on ignorait jusque-là, c'est que les roches elles-mêmes, en fait, certains éléments chimiques qui sont contenus dans les minéraux, dans les roches, peuvent émettre de l'énergie sous forme de rayonnement, et c'est ce qu'on appelle la radioactivité, qui a été découverte là à la fin du 19e siècle. Donc avant ça, on n'était même pas au courant que la Terre, finalement, dégageait elle-même une certaine quantité de chaleur. Donc, des éléments chimiques radioactifs, comme un qui est très connu, l'uranium, ce qui se passe, c'est qu'il se désintègre à une vitesse constante qu'il y a moyen de déterminer pour former une quantité équivalente d'un autre élément. Donc, dans le cas de l'uranium, il va se désintégrer en une série de réactions chimiques dont le produit final, qui est stable, lui, c'est le plomb. Qui lui va rester, là, c'est ça. Qui lui va rester, là. Donc, on va en reparler à l'instant, mais cette transformation radioactive de l'uranium en plomb libère de l'énergie. Et cette source d'énergie-là était totalement inconnue à l'époque de Thomson, Lord Kelvin. Donc, en l'incorporant dans ses équations de chaleur, il serait certainement arrivé à une durée de refroidissement de la Terre beaucoup plus longue, donc à un âge beaucoup plus vieux. C'est ça. Mais en attendant, on peut dire qu'au 19e siècle, entre les géologues et Lord Kelvin, la chicane est pas mal prise. On se chicane pour l'âge le plus vieux possible. Et la méthode la plus claire possible pour déterminer ça, soit les strates géologiques ou la physique. Mais si on revient à la transformation radioactive de l'uranium en plomb, c'est véritablement grâce à cette réaction chimique-là que Claire Patterson va faire sa vraie percée scientifique dans les années 50. Mais justement, comment Patterson a-t-il réussi à déterminer l'âge de la Terre? Alors, l'uranium, on en a parlé. L'uranium, c'est l'élément chimique naturel le plus lourd, on pourrait dire. C'est le 92e élément du fameux tableau périodique, donc qui catégorise les éléments de 1 à plusieurs. Et le 92e élément, c'est l'uranium. On le retrouve en faible quantité dans les roches et les sols, même dans l'eau de mer. On le retrouve aussi, donc, dans les météorites. Et puisqu'il est radioactif, il va se désintégrer à une vitesse connue pour former certaines variétés stables du plomb. Et si on mesure très précisément la quantité de plomb présente dans un échantillon, on peut donc déduire depuis combien de temps l'uranium piégé, emprisonné dans la roche, a commencé à se désintégrer. Donc, on peut calculer l'âge de la Terre en faisant ça. Mais les quantités de plomb, c'est là que ça se complique. Les quantités de plomb impliquées sont très, très faibles. Et le génie de Patterson à cette époque-là va être d'utiliser une technique d'analyse relativement nouvelle qu'on appelle la spectrométrie de masse. Alors, il va utiliser ça pour mesurer le plomb avec une précision inégalée pour l'époque. C'est ça, parce qu'il y en avait tellement peu. Tellement peu. Il fallait que la méthode soit vraiment précise. Ça prenait quelque chose de vraiment, vraiment très précis pour mesurer de très faibles quantités. Et la spectrométrie de masse, en fait, permet de détecter et d'identifier des composants chimiques à l'échelle moléculaire atomique selon leur masse. C'est très, très, très précis. Et c'est donc ce que Patterson va réussir à faire au terme de presque 6 ans d'efforts, finalement. Mais pourquoi ça a été si long et si compliqué de mesurer le plomb dans un simple échantillon? Et c'est là qu'on va parler du deuxième volet de cette chronique-là. Donc, en essayant de déterminer l'âge de la Terre par l'analyse du plomb, Patterson va faire une autre découverte très importante pour la suite des choses, et c'est que l'environnement ambiant est à cette époque relativement concentré, trop concentré même en plomb. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en répétant des mesures de plomb par spectrométrie de masse pour plusieurs échantillons de la même roche, finalement, ce qui fait partie de la démarche scientifique de répéter les expériences, il arrivait à des résultats extrêmement variables d'un échantillon à l'autre, voire carrément farfelus. Alors que lorsqu'il faisait l'analyse de l'uranium sur les mêmes échantillons, il arrivait à des résultats très semblables et comparables d'un échantillon à l'autre. Alors donc, là, il se passait quelque chose de vraiment bizarre avec le plomb dans les échantillons. Alors, il va découvrir que finalement, que l'air ambiant, non seulement l'air ambiant, les instruments, le local même du laboratoire où Patterson travaillait, était en fait tout partout contaminé au plomb, ce qui évidemment faussait les résultats de ses échantillons à lui. Et en poussant son enquête un peu plus loin, il va même démontrer que les principales sources de contamination au plomb provenaient des produits commerciaux et domestiques de tous les jours. Essence automobile, peinture, boîte de conserve, autres et autres contenants d'emballage. Bref, des concentrations au plomb de l'ordre de 100 fois plus élevées que celles auxquelles étaient exposées les populations humaines préhistoriques ou avant la révolution industrielle. Quelles vont être les répercussions de cette découverte sur la contamination au plomb? Ben d'abord, scepticisme, puis à mesure que les travaux de Patterson vont être publiés, progressivement acceptés par la communauté scientifique, il va réussir à faire, si on peut dire, monter la pression au niveau politique. Donc, durant les années 60 et 70, il va publier des articles sur la présence anormalement élevée en plomb dans l'environnement, dans la chaîne alimentaire. Et ses efforts de lobbying, on pourrait dire, aboutissent à la recommandation par l'EPA, l'Agence de protection environnementale aux États-Unis. Donc, recommandation d'une forte réduction d'abord et puis même l'élimination complète du plomb dans les produits industriels, domestiques, dans l'essence automobile, la fameuse essence sans plomb à partir des années 80, finalement. Et selon le ministère américain de la Santé, entre la fin des années 70 et la fin des années 80, la concentration de plomb dans le sang des Américains aurait diminué de près de 80%. Ce qui est quand même énorme. Très efficace comme mesure. Alors, pour ceux et celles qui aimeraient en savoir un peu plus sur le contexte des découvertes scientifiques de Claire Patterson, sachez qu'il y a un épisode de la récente série Cosmos Space-Time Odyssey qui a été mise en onde il y a 2 ans, je crois. Donc, il y a un épisode qui lui est presque entièrement consacré. L'épisode 7, d'ailleurs intitulé The Clean Room, donc le laboratoire propre. Oui, c'est ça. Clean room, propre de toute contamination. Cet épisode-là montre dans quelles circonstances Patterson a découvert l'âge de la Terre et la contamination au plomb. Et cette histoire nous donne un exemple de recherche fortuite qui a eu des répercussions. Dans ce cas-ci, la contamination par le plomb. Voilà. Merci Frédéric. Pas de quoi. Alors, il est 18h et on va passer en publicité sur CKRL au 89.1.